Les fêtes, ça passe comme n'importe quoi. Ça fait partie du plaisir de la vie. Ça dépend comment ce que tu vis. Moi, je sais bien si j'étais seul, les fêtes, tu sais. Mais j'ai une femme, j'ai un enfant, j'ai des amis. Les fêtes, pour moi, c'est pour moi, c'est. Fait qu'à toi, Noël, je fais nada de Noël. J'en fais un papa, il est haut. J'en fais un vrai, puis j'ai jamais diminué. Au contraire, elle a grandi. Fait que depuis qu'elle est petite, elle reste malade de Noël. Les fêtes, pour elle, c'est un plaisir. C'est une joie. Ça fait partie de la joie de vivre, les fêtes. Mais ça dépend comment est-ce qu'on les vit. Il y a des gens aux fêtes qui se noient, qui se mettent en dette. Puis le jour après les fêtes, qui paye les dettes. T'sais, on vit astralement les fêtes. Puis qui c'est qui fait de l'argent, c'est Shaitan. C'est Michel Michel. J'ai rien contre les fêtes, mais j'ai rien contre rien. Vous savez, je parle jamais contre rien. Mais je dis tout le temps à regarder de l'autre bord. Mais on vit trop astralement, on ne vit pas dans notre esprit. Les fêtes, c'est une belle période parce que tout le monde relaxe et les gens ont des bonnes vibrations. En général, c'est le fun. Tu te fais donner un petit cadeau, ça. Mais, faut pas que tu vives trop astralement. Sans ça, tu vas te payer des lettres. Puis, tu sais que la journée de la pire de l'année, c'est dimanche. C'est le 25 Noël. La pire journée de l'année, c'est le 25 Noël. Pour ceux qui fêtent ça le 24 au soir, c'est le lendemain matin. Ceux qui le fêtent le premier, mais c'est le deuxième. C'est le 2. Mais tout une dépression. Après. Les fêtes, c'est comme le sexe. Quand tu n'es plus. Tu t'attristes. Les choses ont moins d'importance. T'as moins de. Mais si tu vis de même, les fêtes, tu mets plus d'énergie. Tout le monde qui vit dans les magasins. Ah. Plus, mais c'est ça l'ego. Mais si tu vis les fêtes en esprit, mais à ce moment-là, les fêtes, c'est plaisant. Mais ça ne fait pas. Tu te retrouves pas avec 2 500 $ de dette après 2 jours après. Faire plaisir à la parenté. La parenté est arrivée. Vous allez commencer à vivre ça. L'esprit, vivre en esprit. Vous allez savoir qu'est-ce que c'est vivre en esprit. Vivre en esprit, vous allez. Plus vous vivez en esprit, moins vous sentez votre ego. Mais ce passage de l'ego à l'esprit, ça peut apporter pour certains ou certaines voies de vie. Pour d'autres, ça ne pourrait pas créer des malaises physiques, je veux dire, ce débalancement de tout qu'on ne pense plus pareil. Et peut-être des débalancements physiques sur la santé. Le passage de l'ego à l'esprit crée des changements vibratoires dans tous les corps. Mais les changements vibratoires d'un corps sont toujours bons. S'il y a des débalancements physiques, c'est parce qu'il y a des réactions émotives au niveau de l'ego qui empêchent que le passage se fasse d'une façon simultanée. Simultanée sur tous les plans. Alors, il y a des plans qui travaillent trop fort et des plans qui travaillent moins fort. C'est pas raccordé l'énergie. Il y a trop d'énergie mentale où il n'a pas assez. Il y en a trop dans l'émotionnel puis il n'a pas assez dans le mental. Il y en a trop sur le plan direct puis il n'a pas assez. Alors, l'énergie n'est pas égale. Parce que quand l'énergie est égale, ça remonte, tout monte en même temps. Parce que des gens, c'est un corps qui monte ou c'est l'autre corps qui monte, puis l'autre, quand il monte, mais il affaisse l'autre, puis c'est pas ajusté. Jusqu'à temps que ça s'ajuste. C'est pour ça qu'il y a des gens qui souffrent de ces phénomènes matériels que j'appelle, lorsqu'ils sensibilisent. Qu'est-ce qu'on peut y faire à ce moment-là? Vous ne pouvez rien y faire, vous viviez jusqu'à temps que ça se tasse. Des fois, ça dure longtemps. Des fois, tu respires pour un peu de temps. Jusqu'à temps, tu crois. Ouais, à ce moment-là, tu fais descendre une autre énergie. Tu sais, oui, encore, ça revient toujours dans la volonté. Toujours la volonté. C'est très fort, l'esprit. Quand vous vivez en esprit, là, vous devez être capable de jamais vous inquiéter. Mais tu peux pas. C'est pas un corps de désir là, qui fonctionne. Quand tu es capable de ne pas t'inquiéter de quoi que ce soit, là, à ce moment-là, automatiquement, tu changes la vibration de tes corps. Mais j'en parle pas de ça parce que les gens sont pas assez mûrs. Les gens, s'il faudrait que je dise au monde, là, quand tu es en esprit, là, comment être le cancer, ça ne prend rien. La première chose que tu sauras, c'est qu'il y a des gens qui se laisseraient mourir.

Mais elle est pas plate. Elle est plate quand vous êtes seul parce que vous n'avez pas encore assez d'énergie créative pour la rendre pleine, mais pas plate. Des fois, elle semble être plate. Mais quand on est ensemble, qu'on se parle, elle n'est pas plate. Et un jour, par vous-même, seul, elle ne sera pas plate. Qu'on vous parle ou qu'on ne vous parle pas, elle ne sera pas plate. Parce que vous allez dans votre esprit. Quand vous êtes dans l'esprit, c'est un savoir. Le savoir, c'est quand tu parles, ça vient. Quand tu parles pas, ça vient pas. Moi, je suis smart parce que je vous parle, si je vous parle pas. Je sors avec moi que je suis smart. C'est parce que je parle que je suis smart. Heureusement que j'ai fait des lumières, j'ai jamais su que j'étais smart. Mais quand tu parles, là, nous arrive des fois que je parle, là, je parlais à tout le monde. Puis à un moment donné, je m'aperçois que c'est pas ma voix. Bon, c'est ça. C'est un changement vibratoire dans moi. Souvent, quand l'esprit connecte, quand l'esprit fait une connexion, quand vous devenez créatif, la voix change. Et ça, c'est pour sensibiliser votre personnalité à votre ego qui se spiritualise au niveau de la conscience, de l'âme. C'est normal. Parce que moi, quand je vais en France, là, ma voix change. Ma voix à Paris, ils ne me courraient pas, je vais être Québec, Montréal. Quand je vais à Paris, dans les... ça marche. Là, je vais faire je reviens à Montréal. Je parle en canadien, là. Là, ils trouvent ça drôle. Ça dure quelques minutes, mais ensuite, je reviens encore à Paris. Ça marche. Ils changent ma voix. Si je vais en Allemagne, ils changent ma voix. En Espagne, ils changent ma voix. La voix a différentes tonalités, différentes langues. Mais quand j'étais inconscient, je fonctionnais de même, je ne savais pas. Des fois, je partais à parler en français, à française, comprends-tu? Puis, je me disais, qui c'est que je fais là? Je me pensais que j'avais des complexes de supériorité. Ma voix changeait tout le temps. C'est quand j'ai été contacté, j'ai su que ça se passait, parce que ça fait partie du don des langues. Mais au moins, aujourd'hui, au niveau de l'ego, mais j'en souffre plus. Mais dans ce temps-là, ça me fatiguait, cette affaire-là. Donc, qui c'est que j'ai qui est pas croche? Qui est croche. Il se passe des affaires avec nous autres avant le contact. Parce qu'on est préparé, mais on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on est de même. Parce que moi, il y a qui m'ont dit ça, que la voix s'en va quand on est en personne. Ouais. Genre, tu ne tombes pas dans l'affaire des dons des langues, des charismatiques. C'est pas parce que je change d'esprit, qu'est-ce qui se passe pour lui? L'esprit, c'est universel. L'esprit, ça parle toutes les langues. Non, mais pourquoi que la voix change? La voix change parce que quand tu parles allemand, tu as besoin d'une certaine énergie astrale. Quand tu parles français, tu as besoin d'une autre énergie astrale. Ah, OK. Fait que ta voix change. Il y a une relation entre ta voix et ton état émotionnel. Il change les vibrations de ta voix émotionnelle. Il change les vibrations de ton mental. Fait que ta voix, automatiquement, hein? La fréquence. La vibration, la fréquence. Je parlais, c'était celui qui avait en haut, qui disait qu'est-ce que j'avais attiré dans l'inventaire. C'est au niveau de l'énergie, ça. L'énergie, elle s'ajuste. Je ne peux pas l'exporter, quoi. Personne ne fait une bonne cigarette. Non, j'en ai un. Je m'en vais le bout. J'ai mis en base ce soir dans la conférence sur. Merci. Tu voudrais les cancers? J'ai mis en base ce soir sur l'affaire du monde des esprits. Ce cassette-là, je vais apprendre. Là, tu sais, j'ai laissé avec Charles Maurice, mais là, je vais apprendre. Je vais éliminer les parties grasses dedans. Là, tu vas l'éditer. Là, tu vas y redonner après. Qu'elle passe. Québec, puis elle nous skie. Elle est bien importante, cette partie-là. Que ça s'imprime une fois pour toutes dans le mental des gens. Ce que je veux dire. Parce que vous ne saurez jamais rien d'eux autres. Jamais. Si l'humanité avait eu à savoir d'eux autres, l'humanité aurait reçu depuis très longtemps, depuis des millénaires,